بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه ما بعد. Nous continuons la lecture et les commentaires sur l'explication du livre Lum'at al-I'tiqad Al-Hadi ila Sabil al-Rashad, un livre de l'imam Ibn Qudam al-Maqdisi rahimahullah, et l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan, Salih ibn al-Fawzan Al-Fawzan, Hafidahullah Ta'ala. Donc la semaine dernière, on avait parlé de ceux qui utilisent les ambiguïtés dans le Coran et dans la Sunna du Prophète sallallahu alayhi wa sallam pour arriver à leur fin, qui en général sont le désir et la volonté de dévier les musulmans du droit chemin et de semer la turpitude sur terre. Et ces personnes ne deviendront jamais savantes, comme l'a dit Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah Ta'ala, car ce sont soit des ignorants, ou soit des personnes qui sont égarées, et dans les deux cas, ils ne pourront pas devenir savants, car pour devenir savant, il faut être sur le droit chemin, et il ne faut pas se considérer comme le plus savant, et être modeste, car comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Tawadda'a lillahi rafa'a, celui qui est humble devant Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala l'élèvera. Ensuite, on avait cité la parole de l'imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah ta'ala, et une brève biographie de ce grand imam de l'islam qui est appelé imam Ahli Sunnah, qui a même le surnom de l'imam des gens de la Sunnah, qui a patienté rahimahullah dans l'épreuve qui est appelé Mihnat Khalq al-Qur'an, dans l'épreuve de la création du Coran, car à son époque, les gouverneurs ordonnaient aux gens d'attester, de croire que la parole d'Allah Azza wa Jal était créée. Et il a patienté, rahimahullah, ainsi que d'autres savants, jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal ait donné la victoire à la vérité, qui est que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée, et elle fait partie des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Que le Coran n'est pas créé, mais que c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala est un attribut parmi ses attributs. Et on a cité la parole de l'imam Ahmed donc, qui disait que dans la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah descend dans le ciel le plus bas, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera vu le jour du jugement, et tout autre hadith similaire, nu'minu biha, nous devons y croire. Wa nusaddiqu biha, et nous devons les considérer comme étant vrais. Nous devons les considérer comme étant vrais. Bila kayf, sans comment, sans se demander le comment. Comment sont ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala? Ceci est une question qui ne doit pas être posée. Comment est-ce qu'Allah descend? Comment est-ce qu'Allah entend? Comment est-ce qu'Allah vient? Etc. Ce sont des caractéristiques ou des attributs d'Allah Azza wa Jalla qui lui sont propres et dont lui seul connaît le sens et le comment. Également, l'imam Ahmad a dit « wala ma'na » et qui n'ont pas de sens. « Wala ma'na » qui n'ont pas de sens. On avait cité l'explication de Cheikh Al-Fawzan, Hafidhahullah, sur cette parole qui était « Ce n'est pas le sens que veulent les gens de l'égarement, les innovateurs. » Il faut comprendre dans cette parole de l'imam Ahmed qu'ils n'ont pas le sens que veulent, c'est-à-dire que ces attributs n'ont pas le sens qui est voulu par ces gens égarés. Mais ces attributs en eux-mêmes ont un sens dans la langue arabe. Yanzilu Rabbuna, Allah subhanahu wa ta'ala descend, le verbe descendre, Yanzilu est un mot qui est connu, d'accord ? Il a un sens. Car certains utilisent cette parole de l'imam Ahmed, rahimahullah, pour dire que l'imam Ahmed est mufawwid, qui dit que tous ces attributs n'ont pas de sens et que nous devons les remettre à Allah subhanahu wa ta'ala, et que nous devons nous en remettre à Allah quant à la signification de ces choses. Et les gens de la Sunna disent non. L'imam Ahmed voulait dire par là, non pas le vrai sens et non pas le sens que veulent les innovateurs qui, le plus souvent des cas, interprètent les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur donnent un sens qui n'est pas le vrai et un sens qui dévie de la vérité, comme le fait de dire que Allah yanzilu rabbuna yanzilu Allah, c'est-à-dire yanzilu amru. Quand Allah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit yanzilu rabbuna, que notre Seigneur descend, ils disent non, ce n'est pas Allah qui descend mais c'est son commandement. Wa ja'a rabbuk, ils disent non, ce n'est pas Allah qui vient mais c'est son commandement, etc., etc. Tout ceci, tous ces sens faux, ces sens voulus par les innovateurs ne sont pas acceptés chez les gens de la sunna. ثم قال الإمام أحمد ولا نرد شيئا منها ونعلم أن ما جاء به الرسول حق ولا نرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puis l'imam Qudam al-Maqdisi continue de citer la parole de l'imam Ahmed lorsqu'il dit ولا نرد شيئا منها, et nous rejetons aucune de ces sources, c'est-à-dire nous ne rejetons aucun de ces hadiths et aucune de ces attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Cheikh Fawzan, la narud shay'an min an-nusus kama yarudduhu al-mubtadi'a li'annaha tukhalifu 'uqulahum fayarudduna an-nusus wa yuhakkimuna al-'uqul. Nous ne rejetons aucun de ces hadiths et aucun de ces versets comme le font les innovateurs, car ces versets et ces hadiths vont à l'encontre de leur raison. فَيَرُدُّونَ النُّصُوصِ وَيُحَكِّمُونَ الْعُقُولِ. Et quand les hadiths et quand ces versets ne sont pas en accord avec leurs pensées, qu'est-ce qu'ils font? Ils les rejettent, tout simplement. Et quel est le juge à ce moment? Ce sont leurs pensées et leur cerveau. Ils délaissent les versets d'Allah Azza wa Jal et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour utiliser leur cerveau et leur pensée. Et les innovateurs font souvent cela. Et n'hésitent pas à rendre un hadith authentique faible, car ils ne peuvent pas dire « Nous n'acceptons pas cette parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam ». Ce serait grave de dire ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire « Ce hadith est faible ». Comme n'ont pas accepté les innovateurs le hadith de Az-Zubaba, le hadith de la mouche qui est dans le Bukhari, où le prophète sallam a dit إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَا يَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِصْهُ ثُمَّ لْيَنْزَعْهُ فَإِنَّ فِي إِحْدَى جَنَاحَيْهِ دَا وَفِي الْأُخْرَى دَوَى. Lorsqu'une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre vous, qu'il la plonge puis qu'il l'enlève, car dans une de ses ailes il y a la maladie et dans l'autre il y a le remède. Certains ont dit il n'est pas acceptable, nous ne pouvons pas accepter ce hadith et ce hadith est faible. Il est inconcevable que quand une mouche tombe dans le verre de l'un d'entre nous, qu'on la plonge et qu'on la retire. Ce n'est pas possible que le prophète sallam ait dit ça, le hadith est faible. Le Bukhari, le hadith dans le Bukhari, parce que pour eux c'est quelque chose d'inacceptable, ça ne rentre pas dans leur tête. Qu'est-ce qu'ils disent? Parce qu'en fait un hadith peut être faible soit par la chaîne de transmission ou soit dans le madn. Le hadith tout le monde parle. S'il y a par exemple beaucoup de hadiths qui se contredisent dans le madn, dans le contenu, un hadith dit c'est authentique, l'autre dit c'est autorisé, l'autre dit c'est haram, l'autre dit c'est autorisé, l'autre dit c'est haram, et il n'y a aucun moyen de les rassembler. D'accord? Les savants utilisent l'ittirab, ils disent que ce hadith-là, le contenu de ce hadith ne peut pas être vrai. Il est trop contradictoire, il ne peut pas être vrai, il est donc faible, non pas par sa chaîne de transmission, mais par son contenu, parce que celui qui l'a rapporté est tiqa, mais il s'est trompé sur ce qu'il a décrit. D'accord? Donc un hadith peut être faible pour son contenu, mais c'est quelque chose qui est flagrant. Ce sont les savants qui attestent de cela. Ce n'est pas quelque chose qui est inconcevable pour toi et qui l'est pour tous les autres savants, et tu te permets de dire non, ce hadith est faible, je ne l'accepte pas. Ou par exemple, ceux qui rendent faible le hadith al-sihr qui est dans Sahih Muslim, que le prophète Hassan a été ensorcelé. Il y en a qui disent non, ce hadith n'est pas authentique. Comment est-ce qu'on peut concevoir que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'envoyé d'Allah, qui est le protégé, celui qui, quand il parle, sa parole est révélation, il est inconcevable qu'il soit ensorcelé. Il est protégé, il ne peut pas être ensorcelé. Le hadith dans Sahih Muslim. Il y a aussi le hadith de la servante. Le prophète lui a demandé où est Allah, elle a levé le doigt. Ils disent qu'il est mustahil. Si on cite les hadiths, ils sont nombreux. Il y a des hadiths qui sont pour eux inconcevables. Alors que les savants disent que le prophète a été ensorcelé. Le hadith est authentique. Et que la sorcellerie n'avait pas d'influence sur la raison du prophète. Elle n'avait qu'une influence physique. Comme l'a dit Aïcha, que le prophète voulait faire quelque chose, mais il ne le pouvait pas, c'est-à-dire physiquement. Il voulait prendre quelque chose, il voulait se rendre quelque part, mais physiquement, il ne le pouvait pas. Quant à sa raison, quant à ce qu'il disait, quant à la mission que lui a confiée Allah subhanahu wa ta'ala, elle reste intacte. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a transmis la révélation de la meilleure des façons, et ceci du début de sa prophétie jusqu'à la fin. Donc, nous ne rejetons aucune de ces sources, que ce soit des versets du Coran ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. ونعلم أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم حق et nous croyons et nous savons que tout ce qui provient du prophète صلى الله عليه وسلم est vérité. قال الشيخ الفوزان ما جاء به الرسول حق ليس فيه خطأ وليس فيه تضليل ولا تلبيس وإنما هو حق على حقيقته جاء به أصدق الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى الأمين المأمون عليه الصلاة والسلام فما جاء به حق على ظاهره وعلى حقيقته. C'est-à-dire que tout ce qu'a apporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam est vérité. Il n'y a dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam aucune erreur, aucun égarement, aucune confusion. Tout ce qu'il a rapporté est vérité. Car c'est la plus véridique des créatures sallallahu alayhi wa sallam, celui qui parle et celui qui, lorsqu'il parle, sa parole est révélation. Celui qui est digne de confiance, alayhi salatu wassalam. Il était digne de confiance, alayhi salatu wassalam, même avant sa prophétie. Il était appelé Al-Amin. Avant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne soit prophète. فَمَا جَاءَ بِهِ حَقٌ عَلَى ظَاهِرِهِ وَعَلَى حَقِيقَتِهِ. Donc tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apporté, tout ce qu'il a dit, est vrai. Est vrai dans le fond et dans la forme. وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Et nous ne répondons pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment répondre au prophète sallallahu alayhi wa sallam? L'imam Ahmad a dit وَلَا نَرُدُّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nous ne répondons pas au prophète sallallahu alayhi wa sallam. La réponse peut être directe ou indirecte. Si elle est directe, elle est très grave. Et si elle est indirecte, elle est moins grave que le direct, mais elle reste très grave. قال الشيخ الفوزان كما يفعل أهل الضلال الذين يردون على الرسول صلى الله عليه وسلم. Comme le font les gens égarés qui répondent au prophète صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول ينزل ربنا وهم يقولون ينزل أمره. Le prophète صلى الله عليه وسلم dit notre Seigneur descend, et eux disent son commandement descend. فيستدركون على الرسول صلى الله عليه وسلم. Ils reprennent donc le prophète صلى الله عليه وسلم dans ses paroles. يقولون ما بين الرسول صلى الله عليه وسلم الحقيقة قال ينزل ربنا والواقع أنه ينزل أمره فهذا استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم. Car ils disent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas montré la chose clairement, n'a pas montré la vérité. Il a dit yanzilu rabbuna, il a dit notre Seigneur descend, mais en réalité c'est son commandement qui descend. Ceci est une reprise vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit cela est comparable à celui qui reprend le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme si le prophète sallallahu alayhi wa sallam se parlait devant lui et qu'il dise non, ce n'est pas ça que tu veux dire, mais c'est ça. والعياذ بالله. وكذلك وجاء ربك يقولون يجيء أمره هذا استدراك على القرآن واستدراك على رب العالمين سبحانه وتعالى. Et ils arrivent même à reprendre Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit وَجَاءَ رَبُّكَ et ton Seigneur vient comme cela dans Sourate Al-Fajr. Eux ils disent يَجِيءُ أَمْرُهُ c'est son commandement qui vient. هَذَا اسْتِدْرَاكٌ عَلَى الْقُرْآنِ وَاسْتِدْرَاكٌ عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Ceci est une reprise du Coran et une reprise d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils reprennent Allah subhanahu wa ta'ala dans ce qu'il a dit, wal'iyadu billah. قال الإمام ابن قدامة المقدسي نقلنا عن الإمام أحمد ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Donc l'imam Ahmed continue sa parole et dit et nous n'attribuons pas à Allah subhanahu wa ta'ala plus que ce qu'il s'est attribué à lui-même. Bila haddin wa la ghaya, sans limite et sans but. Laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami' al-basir, rien ne lui ressemble et c'est lui l'audient, celui qui entend tout et celui qui voit tout, subhanahu wa ta'ala. Qala Cheikh Al-Fawzan kadhalika nahnu nattabi' wa la nabtadi', la nasifu Allah bighayr ma wasafa bihi nafsuhu, li'anna al-asma' wa as-sifat tawqifiyyah. فنحن لا نسمي ربنا ولا نصفه إلا بما جاء في الكتاب والسنة ولا نحدث له أسماء من عند أنفسنا ولا نحدث له صفات من عند أنفسنا. هذه قاعدة أن الأسماء والصفات توقيفية لا يثبت منها إلا ما جاء في الكتاب والسنة. قال شيخ الفوزان دي également, nous sommes des personnes qui suivons et n'innovons pas. Nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala, nous n'attribuons pas à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué, ou nous n'attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'il s'est attribué à lui-même. Car les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tawqifiyya. Qu'est-ce que ça veut dire tawqifiyya? Elle s'arrête au texte. Les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala s'arrêtent au texte. C'est-à-dire, ce qui est présent dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam comme nom et attribut d'Allah, alors nous les attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce qui n'est pas contenu ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni nous ne nommons Allah azza wa jal par ses noms, ni nous lui attribuons ses attributs. فَنَحْنُ لَا نُسَمِّ رَبُّنَا. Nous ne donnons pas de nom à Allah et nous ne lui attribuons pas d'attributs sauf ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna. Et nous n'inventons pas de nom qui provient de nos personnes. Et également, nous n'inventons pas d'attributs à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une règle. La règle est que dans les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on doit s'arrêter au texte. La yathbutu minha illa ma ja'a fil kitabi wa sunnah. N'est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala que ce qui est rapporté dans le Coran et dans la sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bila haddin wa la ghaya, ay annana la nukayif sifat Allahi, fanadhkuru hududaha wa ghayatiha wa kayfiyatiha, hada laysa min ilmina. ولا من مقدورنا لا يعلم حدودها وغاياتها وكيفياتها إلا الله سبحانه وتعالى. Également, sans limite et sans but. C'est-à-dire que nous ne donnons pas de comment aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala en leur donnant des limites ou en leur donnant des buts ou en leur donnant un comment. Ceci n'est pas dans notre science et ceci n'est pas dans notre pouvoir. Seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît les limites de ses attributs, seul Allah subhanahu wa ta'ala connaît le but de ses attributs et seul Allah azza wa jal connaît le comment de ses attributs. Puis, l'imam Ahmed, rahimahullah, a cité le verset, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, « Laysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami'u al-basir. » Rien ne lui ressemble, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. « Qala Cheikh al-Fawzan, hadhihi al-ayat al-karima, hiya al-qa'idatu fi hadha al-bab. » Ce verset est la règle en la matière. « Anna Allah jalla wa ala laysa ka mithlihi shay. » Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. ولهم أسماء وصفات لا تشبهها صفات وأسماء المخلوقين. Et qu'Allah Azza wa Jal a des noms et des attributs qui ne ressemblent pas aux noms et attributs de ses créatures. وإن كانوا يوصفون بها ويسمون بها. Même si ces attributs appartiennent ou sont aussi existantes chez ces créatures et qu'elles sont nommées également chez ces créatures, لكن مع الفارق العظيم, mais avec une immense différence. C'est-à-dire que ce sont des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui existent chez l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala voit. Est-ce que la vue existe chez les créatures? Est-ce que les créatures voient? Le fait de dire que les créatures voient, est-ce que cela veut dire que tu fais ressembler les créatures à Allah? Non. La ressemblance est dans le terme, mais non pas dans le sens et dans le contenu. La ressemblance est uniquement dans le terme et non pas dans le contenu, car dans la forme, il y a une différence immense. فَالْخَالِقُ لَهُ سَمْعٌ وَالْمَخْلُقُ لَهُ سَمْعٌ. Le créateur a une ouïe et la créature a une ouïe. الْخَالِقُ لَهُ بَصَرٌ وَالْمَخْلُقُ لَهُ بَصَرٌ. Le créateur qui est Allah Azza wa Jal a une vue et la créature a une vue. Allah yatakallam wa al-makhluq yatakallam. Allah subhanahu wa ta'ala parle et ses créatures parlent. Lakin ma al-fariq bayna sifat al-khaliq wa sifat al-makhluq. Mais avec la grande différence qu'il y a entre les attributs du créateur et les attributs de la créature. Fa nahnu la nushabbihu sifat ar-rabb jalla wa ala bi sifat al-khaliq. Nous ne faisons pas ressembler les attributs d'Allah aux attributs de ses créatures. بل نؤمن أن صفات الخالق تليق به وخاصة به جل وعلا. Et nous croyons, mais nous croyons que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont propres à lui et sont spécifiques à lui. وصفات المخلوقين خاصة بهم وتليق بهم ليس كمثله شيء. Et les attributs de ces créatures sont propres à elles et sont spécifiques à elles. Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. Laysa as-sam'u kas-sam', wala al-basaru kal-basar. L'ouïe n'est pas comme l'ouïe, la vue n'est pas comme la vue, wala al-qudratu kal-qudra, et le pouvoir n'est pas comme le pouvoir, wala al-yadu kal-yad, ni la main n'est comme la main, wala al-wajhu kal-wajh, ni le visage comme le visage. فلا مشابهة بين صفات الخالق وصفات المخلوق. Il n'y a aucune ressemblance entre les attributs du créateur et les attributs de ses créatures. فقوله ليس كمثله شيء هذا رد للتشبيه وهو السميع البصير رد للتعطيل رد على الذين ينفون اسماء الله وصفاته. Dans la parole d'Allah عز وجل, ليس كمثله شيء, rien ne lui ressemble. Ceci est une réponse à qui? À al-mutashabbiha, qui disent que les attributs des créatures sont les mêmes que les attributs du créateur. Wa huwa as-sami'u al-basir, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Ceci est une réponse à ceux qui disent qu'Allah n'a pas d'attributs. C'est une réponse à ceux qui nient les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah entend, Allah voit, mais il n'entend pas comme ses créatures, et il n'entend pas comme ses créatures. Même si ses créatures voient et ses créatures entendent, mais lui n'est pas lui et la vue n'est pas la vue. وَقَدْ أَثْبَتَ اللَّهُ لِذَاتِهِ الْأَسْمَاءَ وَالصِّفَاتِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ. السَّمِيعُ هَذَا اسْمٌ مِنْ أَسْمَائِهِ والبصير اسم من أسمائه والسمع والبصر صفتان من صفاته سبحانه وتعالى. Et Allah عز وجل a attesté à lui-même des noms et attributs. وهو السميع البصير, c'est lui qui entend tout et qui voit tout. السميع l'audient, ceci est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou al-basir, ismun min asma'ih. Pareil pour al-basir, c'est un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou al-sam'u wa al-basar, et la vue, l'ouïe et la vue, sont deux caractères, deux attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى إنني معكما أسمع وأرى أسمع فهو يسمع ويبصر سبحانه وتعالى ما يفعله الخلق والله بما تعملون بصير يبصر ما تعملونه لا تخفون عليه سبحانه وتعالى الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم ويقول لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى يسمع ما يقوله له فرعون ما يقول لهم فرعون ويرى ما يقابلهم به من الجبروت والطغيان. الله سبحانه وتعالى a dit je suis avec vous, j'entends et je vois. أسمع, j'entends, c'est-à-dire qu'Allah سبحانه وتعالى entend. ويبصر, et il voit, سبحانه وتعالى, il voit ce que font ces créatures. والله بما تعملون بصير. الله سبحانه وتعالى dit également, selon le sens dans sourate al-Baqarah, le verset 265, et Allah voit ce que vous faites. Il voit ce que vous faites et rien n'échappe à Allah subhanahu wa ta'ala. Vous n'échappez pas au regard d'Allah subhanahu wa ta'ala. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. Comme Allah Azza wa Jalla dit dans Surat Al-Shu'ara, les poètes, versets 218 à 220, celui qui te voit quand tu te lèves, et il voit tes gestes parmi ceux qui se prosternent, c'est lui l'audient et l'omniscient. C'est lui l'audient qui entend tout, et l'omniscient qui est savant de toutes choses. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit, Allah te voit lorsque tu te lèves la nuit, et Allah subhanahu wa ta'ala te voit, vois tes gestes lorsque tu es parmi les prosternes, parmi ceux qui se prosternent. Et Allah subhanahu wa ta'ala voit les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il prie seul ou qu'il prie en groupe. Allah subhanahu wa ta'ala, même si le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en compagnie de ses compagnons, les gestes du prophète sallallahu alayhi wa sallam durant sa prière, à savoir le recours, le sujoud, le fait de lever les mains et tout, tout ceci n'échappe pas à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah azza wa jalla dit à Moussa et Haroun, je suis avec vous, j'entends et je vois. Il entend ce que leur dit Pharaon et il voit comment Pharaon les a accueillis avec sa dictature et son mal. Qala al-Imam Ahmed wa naqulu kama qal, et nous disons comme il a dit, et nous disons comme il a dit, c'est-à-dire nous disons comme a dit qui? Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit cela après avoir cité le verset. Après avoir cité le verset laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir, il a dit wa naqulu kama qal, nous disons comme il a dit. Qala Sheikh Fawzan, naqulu kama qala Allah subhanahu laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir. Nous disons comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble, et c'est lui l'audient, et celui qui voit tout. هذه الآية نتخذها قاعدة ونرد بها على المشبهة ونرد بها على المعطلة. Nous prenons ce verset comme une règle par laquelle nous répondons à ceux qui font ressembler les attributs d'Allah Azza wa Jal à ceux de ses créatures, et nous répondons également à travers ce verset à ceux qui nient tout attribut à Allah subhanahu wa ta'ala. قال الإمام أحمد ونصفه بما وصف به نفسه لا نتعدى ذلك. Et nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué lui-même sans dépasser les limites, sans aller au-dessus de cela. ولا يبلغه وصف الواصفين. Et ce que lui attribuent les attribueurs, si on traduit, n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tout ce que pourraient lui attribuer les innovateurs comme attribut, cela n'atteint pas Allah subhanahu wa ta'ala, car ils ne sont rapportés ni dans le Coran, ni dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qala Sheikh al-Fawzan, nasifuhu bima wasafa bihi nafsahu fi kitabih, أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لا نتعدى ذلك لأن هذا الباب توقيفي لا مدخل فيه للعقول والأفكار والاستحسانات. Nous attribuons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est attribué dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète sallallahu alayhi wa sallam sans aller au-dessus de cela. Car لأن هذا الباب توقيفي, car ce sujet s'arrête, comme on l'a dit, au texte. Car ce sujet, le sujet de nom et attribut d'Allah Azza wa Jal, s'arrête au texte. « La madkhala fihi lil'uqul wal afkar wal istihsanat » Il n'y a pas de place dans ce point, ni à la raison, ni à la pensée, ni aux choses que l'on voit bien ou que l'on suggérerait comme bien. De dire... je ne sais pas, tel attribut, pour moi il est bien, donc Allah subhanahu wa ta'ala, et donc je l'attribue à Allah subhanahu wa ta'ala. Non, ce n'est pas parce que tu considères quelque chose de bien que tu l'attribues à Allah. Et dans les noms et attributs d'Allah Azza wa Jal, al-aql, la pensée, le cerveau, la réflexion n'a pas de place dedans. Il n'y a pas de place car ce sont des choses invisibles. Ce sont des choses invisibles dont tu n'as pas de connaissance. Et de plus, seul Allah Azza wa Jal en détient la clé. ثم قال الشيخ الفوزان لا أحد يستطيع أن يصف الله جل وعلا وإنما الله جل وعلا هو الذي يصف نفسه أو يصفه نبيه صلى الله عليه وسلم أما غير النبي من الخلق فلا يستطيع أن يصف الله جل وعلا. Personne n'est en capacité d'attribuer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui peut s'attribuer à lui-même, ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam a la possibilité de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à autre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam parmi les créatures, personne n'est en mesure de décrire Allah subhanahu wa ta'ala. قال تعالى ولا يحيطون به علما وقال تعالى ولا يحيطون به أي بالله جل وعلا علما أي لا يعلمون عنه إلا ما علمهم إياه. أنت إذا كنت تجهل شيء هل تستطيع أن تصفه؟ لا تستطيع أن تصف شيئا لا تعلمه. الله سبحانه وتعالى dit ولا يحيطون به علما أي ils n'ont pas de science le concernant. Concernant qui? الله سبحانه وتعالى لا يحيطون به ne le concernant, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, ils n'ont pas de science, c'est-à-dire qu'ils ne savent vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala que ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a enseigné. Et Cheikh Al-Fawzan dit, lorsque tu ne connais pas une chose, lorsque tu es ignorant d'une chose, es-tu capable de la décrire? Non, tu n'es pas capable de décrire une chose que tu ne connais pas. فأنت لا تعلم ذات الله جل وعلا ولا أسماءه وصفاته ولا تستطيع أن تصف ذاته وإنما ذاته سبحانه وتعالى وإنما هو الذي يصفها أو يصفها رسوله صلى الله عليه وسلم بما يحيه إليه لأنه أعلم بنفسه وبغيره جل وعلا. Tu ne connais donc pas l'essence d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni ses noms, ni ses attributs. Tu n'es donc pas en possibilité de décrire l'essence d'Allah Azza wa Jal. Innama huwa alladhi yasifuha, c'est Allah seul subhanahu wa ta'ala qui décrit son essence, ou yasifuha rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam bima yuhi ilayhi, ou bien son prophète sallallahu alayhi wa sallam par la révélation qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui aura faite. Liannahu a'lamu bi nafsihi wa bi ghayrihi, car Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le mieux sa personne et les autres subhanahu wa ta'ala. Nu'minu bil Qur'an kulli muhkamihi wa mutashabihi wa mutashabihi. Puis l'Imam Ahmad rahimahullah ta'ala dit, et nous croyons au Coran, en tout le Coran, que ce soit les versets sans équivoque ou les versets ambigus. Hadhihi tariqatu ar-rasikhin, qala Sheikh Fawzan. هذه طريقة الراسخين في العلم يقولون نؤمن بالقرآن كله محكمه ومتشابهه فنرد المتشابه إلى المحكم ونفسره به كل من عند ربنا. Ceci est la voix de ceux qui sont ancrés dans la science, qui disent, nous croyons en tout le Coran, que ce soit les choses claires sans équivoque ou les choses ambiguës. فَنَرُدُّ الْمُتَشَابِهِ إِلَى الْمُحْكَمِ. Nous remettons l'ambigu, ou nous soumettons l'ambigu au sans équivoque, et nous expliquons celui-ci par l'autre. C'est-à-dire, nous expliquons les versets ambigus par les versets clairs et sans équivoque. كُلُّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا. Car tout provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Comme l'a dit Allah Azza wa Jalla dans le Coran, وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ. Si ce Coran provenait d'autre qu'Allah, لَوَجَدُوا فِيهِ اِخْتِلَافًا كَثِيرًا. Ils auraient trouvé dans ce livre de nombreuses contradictions. Car s'il ne vient pas d'Allah Azza wa Jalla, il vient d'une créature. Et l'être humain fait des erreurs. Et un être humain qui écrit un livre, ce livre comportera obligatoirement des contradictions ou des erreurs ou d'autres choses. Mais, à partir du moment où ce Coran est la parole d'Allah Azza wa Jalla, le Seigneur des mondes, ce Coran ne contient aucune contradiction. Tout est clair dans le Coran. Celui qui le sait, alhamdoulilah, celui qui ne le sait pas, qu'il s'en remette à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'il dise, nu'minu bihi kullun min 'indi rabbina. Tout provient de notre Seigneur, donc ce ne peut être que vérité. Na'am. Amma alladhi ya'khudhu al-mutashabih wa yatruku al-muhkam fa hadha yu'minu bi ba'd al-kitab wa yakfuru bi ba'd. فالذي يأخذ أول الآية ويقول ليس كمثله شيء ويقول هذا يدل على نفي الصفات لأننا لو أثبتنا الصفات أثبتنا المشابهة هذا من الذين في قلوبهم زيغ لأنه لم يأخذ بالآية كلها وفي آخرها يقول وهو السميع البصير أثبت لنفسه الأسماء والصفات فدل على أن إثباتها لا يقتضي المشابهة. Quant à ceux qui se contentent des versets ambigus et délaissent les versets clairs et sans équivoque, ils disent, nous croyons, cette personne croit en une partie du livre et mécroit en l'autre. Comme par exemple, celui qui ne prend que la première partie du verset et dit, laïsa kamithlihi shay, et dit, Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui ressemble. Et explique en disant, ceci prouve qu'Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas d'attribut. Car si nous avions attribué, ou si nous lui avions donné des attributs, ceci revient à le faire ressembler. Et Cheikh al-Fawzan dit, هَذَا مِنَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْرٌ. Celui qui dit cette parole fait partie de ceux qui ont une déviance dans leur cœur. لِأَنَّهُ لَمْ يَأْخُذْ بِالْآيَةِ كُلِّهَا. Car il n'aura pas pris le verset dans sa totalité. وَفِي آخِرِهَا. Et à la fin de ce verset, Allah Azza wa Jalla dit « Wa huwa as-sami'u al-basir » C'est lui qui entend tout et qui voit tout. Il a donc attribué à lui-même, subhanahu wa ta'ala, des noms et des attributs. Et ceci prouve que d'attribuer des noms et des attributs à Allah Azza wa Jalla ne veut pas forcément dire qu'on le fait ressembler à ses créatures, subhanahu wa ta'ala. « Wa kathalika alladhi ya'khudu akhir al-aya wa yaqulu wa huwa as-sami'u al-basir yaqulu hada ma'naahu annahu mushabihun li khalqih » لا فرق بين سمع وبصر الخلق وسمع وبصر الخالق. Également, l'inverse. Celui qui prend la fin du verset sans prendre en considération la première partie et se contente de la parole d'Allah Azza wa Jalla, et c'est lui qui entend tout et qui voit tout. Et dit, ceci signifie que Allah subhanahu wa ta'ala ressemble à ses créatures. Il n'y a pas de différence entre lui et la vue des créatures et lui et la vue du créateur. Wal'iyadu billah. Naqulu hada mushabbih wal'iyadu billah li'annahu yatruku awwal al-ayah laysa kamithlihi shay wa ya'khudhu bi akhiriha walladhi ya'khudhu bi awwaliha wa yatruku akhiriha hada mu'attil wa amma al-mu'minu al-muwahhid فهو الذي يأخذ الآية كلها ويقول كل من عند ربنا. Et Cheikh Fawzan dit, celui-ci, c'est-à-dire celui qui ne prend que la deuxième partie du verset, en attestant que les louis et la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala est similaire à celle de ses créatures, celui-ci est appelé Mushabbih wal'iyadu billah, celui qui fait ressembler Allah à ses créatures. Car il a délaissé le début du verset qui est Laysa kamithlihi shay, rien ne lui ressemble. وَيَأْخُذُ بِأَخِرِهَا, et ne prend que la fin de ce verset. وَالَّذِي يَأْخُذُ بِأَوَّلِهَا وَيَتْرُكُ أَخِرَهَا هَذَا مُعَطِّلٌ, et celui qui ne prend que le début du verset et délaisse la fin est considéré comme un mu'attil, celui qui nie les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ الْمُوَحِدُ, quant au croyant qui unifie Allah azza wa jal, c'est celui qui prend le verset dans sa totalité et dit kullun min 'indi rabbina, et dit tout provient de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.